toi ma jolie. Les femmes sont fortes aujourd'hui. Si tu tombes, tu te relèves again. Tu réessayes again, again and again and again. Faut pas oublier. Restez positif dans nos têtes. Faut pas oublier. Ma brother, ma sister. Même si c'est pas easy. Restez positif dans nos têtes. Faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas oublier. Essayez. Et tout story bise. This music you know me today. Team be the start like play play for France. We don't dey throw it. So make una seriously. Die for my business here. I make we dey try to dey rejoice here. Why? 'Cause it no easy. It no easy. Even if you no get money, the jolly dey shake body. 'Cause the way you dey vex, dey complain. If you no be God way, na zombie be dead body. Nobody be no baby. When you fall, you go stand up again. You try them again, again and again and again. 'Cause it no easy, yeah. For Peter and Paul, I'm a testing, it no easy, yeah. My brother, my sister, now for Paris we dey. If we good do a bad day, make we the tango di, yeah. Baba God, now your hand work, yeah. Faut pas oublier. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. My brother, my sister, même si c'est pas easy. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas oublier. It's no easy. For Peter and Paul, I'm a distant, it's no easy. Radio Sud. Yeah, yo. Yeah, yo. Mon la la. Yeah, yo. Bitch, better have my money. Y'all should know me well enough. Better have my money. Play down, call me all my blood. Pay me what you want it. Ballin' bigger than LeBron. Bitch, give me your money. Who y'all think y'all frontin' on? Like blah, blah, blah. Louis 13 and it's all on me. Nigga, you just bought a shot. Kamikaze, if you think that you gon' knock me off the top. Shit, your wife in the backseat of my forgot. I call a shot, shot, shot. Like blah, blah, blah. Pay me what you want it. Don't act like you forgot. Bitch, better have my money. Bitch, better have my money. Pay me what you want it. Bitch, better have my. Like blah, blah, blah. Louis 13 and it's all on me. Nigga, you just bought a shot. Kamikaze, if you think that you gon' knock me off the top. Shit, your wife in the backseat of my brand new foreign car. Don't act like you forgot. I call a shot, shot, shot. Like blah, blah, blah. Pay me what you want it. Don't act like you forgot. Bitch, better have my money. Besançon a enfin trouvé sa radio. Radio Sud. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me.

I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen behind your makeup. Nobody knows who you even are. Who do you think that you are? If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey, you'll remember my name. And it's probably cause you think you're cooler than me. You got your highbrow switching your walk, and you don't even look when you pass by. But you don't know the way that you look when your steps make that much noise. I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen behind your makeup. Nobody knows who you even are. Who do you think that you are? Cause it sure seems you got no doubt. But we all see you got your head in the clouds. Write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey, you'll remember my name. And it's probably cause you think you're cooler. Radio Sud. J'ai remplacé mon cœur par un fusil. Et monte les vite, je vais faire une fusée. C'est pas ce qui se passe derrière la musique. C'est ma montre et ma voiture, ton sujet. On voit le calais, cramé toute l'année. Ça affronte les galères, un joint de canard. Juste pour me calmer, gros, j'ai fait ce qu'il fallait. On a grandi jeune, avec du recul, j'aurais préféré voir plus tard. 10 ans plus tard, c'est soit tu ressors en homme ou comme une grosse putain. Et y'en a plein qui ont été malhonnêtes. Ça m'a fait mal au fond, donc je fais en sorte de jamais demander de l'aide. Même si je touche le fond et tard, briser l'omerta. Surveille tes proches, t'annoncer Beretta. Si t'es 65 dans la porte. 45 sur la côte, Christian Dior ou Lacoste. Tu vois t'as raclé vers sa folle, poteau, c'est peut-être de ta faute. Et je lève mon verre à la voûte, à la vie, à la mort, à la muerta. On snique la santé pour faire de la moula. Je deviens fou là, du petit j'encaisse les coups là. On snique la santé pour faire de la moula. Je deviens fou là, du petit j'encaisse les coups là. On snique la santé. Pour la moula, je deviens fou là, plus petit j'encaisse les coups là, on se dit que la santé. Pour la moula, je deviens fou là, plus petit j'encaisse les coups là. Ils pensaient je coulais, ils m'ont pas souhaité courage. La 25ème, 22h30, c'est à nous de reprendre l'antenne. Radio la 25ème, tous les jeudis, ciao. Jounès, 22h minuit, radiosud.net, 101.8. Yeah, il est 22h30 sur Radio Sud, radiosud.net, 101.8. On est au 43 rue d'Arennes, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Donc la 25e, on a pris un petit peu de retard ce soir, il est 22h30. On attend toujours Jounès qui devrait normalement arriver. Et ce soir, c'est les invités, c'est City Entertainment Radio, nos amis de Radio Campus. Comment ça va? Ah oui, ça super va. Super bien, super bien. Ça fait surtout plaisir d'être là, tu vois. On est là. Grosse plaisir partagé. Plaisir partagé. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Kamel qui vient de passer nous voir en début d'émission, et un petit coucou à Saba aussi, donc qui est trésorière de Radio Sud et qui nous écoute à Marseille. Donc d'ailleurs, je fais un grand big up à tous nos auditeurs d'ici et d'ailleurs sur Internet, directement dans leur voiture, sous les ponts et sous l'eau. Big up à vous, big up Radio Sud 101.8, radiosud.net. Ah oui, oui. Alors, les amis, j'ai plein de questions à vous poser. Vas-y, pose. J'ai plein de questions à vous poser. Que tu veux, man. Donc, je vais faire un petit récap pour les auditeurs. Ce soir, on reçoit B-City. Donc, B-City, c'est deux animateurs qui se présenteront après, d'une émission radio qui se passe sur Radio Campus 102.4 tous les dimanches de 18h à 19h. C'est ça. Un dimanche sur deux de 17h à 19h. Yes. Et donc ce soir, on a décidé de les inviter. Évidemment, on est culture urbaine à fond. Ouais. Et en plus, c'est les frérots, donc ça fait plaisir de vous recevoir ici. Yeah. Alors, super plaisir d'être là aussi, en tout cas. Plaisir partagé, yes. Très cher ami. Yes. Écoute, on est là. Je vais rebalancer un petit jingle, là. Vas-y, et puis après, on est parti. Vas-y. Let's go. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Ok, alors B-City, si vous voulez retrouver B-City sur. Vous me dites si je me trompe. Hein. Vas-y. Sur Instagram, c'est B-City-Ent. Donc B comme Besançon, City, tout attaché. Le tiré du 8 et Ent, E-N-T, comme Entertainment. C'est bien ça, oui. C'est ça. Et on peut retrouver aussi toutes les infos de l'émission sur le site campusbesançon.fr. C'est ça. Si je me gourre pas. Là, ils sont en pleine reconstruction. Ok. Du coup, ça va se faire très vite. Et je me demandais, est-ce que on peut retrouver vos podcasts ou des choses comme ça ailleurs? Bah, si tu veux, il y a un moment, on a essayé de faire ça sur SoundCloud, mais on s'est rendu compte que ça allait pas. Ok. Donc, du coup. On a pu en poster que deux émissions en tout, je crois. Yes. Et puis après, bah, normalement, c'est sur Mixcloud, tu vois. Ok. Et vu qu'on n'a pas encore ouvert de compte YouTube et puis d'autres médias, on va dire, on a laissé tomber l'affaire, en fait. Yes. Pour l'instant, voilà, on fait l'émission en direct comme ça et puis ouais, on balance un truc sur... C'est vrai aussi que quelque part, en fait, on n'a pas trop le temps. Ouais. Franchement, chacun fait ses bails et tout. Normal. Et puis, surtout, moi, j'ai même envie de créer un délire. Si t'as raté l'émission, t'as raté, quoi. Si tu veux être là. Comme à l'époque, quoi. Tu vois, quand t'as envie d'écouter Skyrock, je sais pas moi, les bêtises de Difou, là, 23h, et ce truc. Oui. Moi, j'ai pas suivi, j'ai pas connu cette époque. Mais voilà, quand t'as envie d'écouter ça, t'étais là à 23h. Yes. Si t'as envie de nous écouter, tu débarques dimanche. Et tu écoutes. Et t'écoutes. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi que sur votre Insta, régulièrement, quand vous faites les émissions, vous faites des lives vidéo. Voilà. Je trouve ça intéressant aussi. Bah là, ça rentre dans le nouveau cadre, on va dire. Le 2.0. Voilà, du développement, parce qu'on essaye de développer le truc, donc on essaye de faire des nouveautés, quoi. Ouais. Donc en gros, là, c'est du tâton qu'on est en train de faire, en fait, tu vois. Ok. Jusqu'à trouver la bonne formule, le bon fromage. ce fromage qui pue, hein. Tu sais que tu m'as appris un nouveau mot là, le tâton. Je connaissais pas. le tâton. On y va à tâton. On va tâter. Ah. Pas mélanger tatotiner. Avec téton. Hein. C'est pareil. J'avais des grandes discussions avant de commencer. Je vais pas vous envoyer tout de suite là-dessus, tranquille les gars. Au pire, le tâton, c'est toujours à deux doigts. Hein, c'est intéressant, ça encore. C'est encore intéressant. Bonsoir, nos amis du CSA. Il n'y a pas trois doigts ou quatre doigts, non? Non, là, c'est plus du tâtonnement, ça. Et au fait, on n'a pas fait les présentations. D'ailleurs, on a parlé de B-City. C'est con, ça. Donc là, je pense que les auditeurs ont capté qu'on était trois à se partager les micros. Il y a les potos qui sont venus aussi filmer et puis donner un peu de force à côté. Je crois que ça va arriver aussi vers 23h. Ah, il y aura de la force là, il y aura de la force. grosse alors, force. Par qui je commence? Par Dim. À ma gauche. Pourquoi moi, Dim? Bah, moi, c'est Mathieu. Yes. Je m'appelle Mathieu. Enchanté. Donc voilà, mon blaze c'est DMV, pour ceux qui connaissent, et sinon voilà, anciennement, Black Dips, je pense que tu vas de toute façon poser des questions dessus, je pense. Hein. Oh, peut-être. Non. Ah. Peut-être. Donc du coup voilà, et animateur de l'émission BCTUNT avec mon gars LURIC qui est en face de moi. Yes. Donc voilà, quoi. Donc on gère l'émission ensemble, lui et moi, et puis voilà. Quoi. Ok. Merci. Et à ma droite. Du coup, LURIC et le Zulu et double L. Blu. Donc voilà, hein, anciennement Black Diplomate, pareil. Hein, et puis voilà, on anime. Enfin, je pense que les questions, tu vas les poser après. Mais c'est ça pour les présentations. Ne te bride pas dans tes réponses. T'inquiète pas. Donc voilà, c'est tout pour l'instant. Alors. Donc DMV et Luric qui sont là ce soir. Voilà, on est là. Et ben justement, côté présentation, tout ça. Je pense que la plupart des auditeurs doivent le savoir. En dehors de la radio, vous êtes des hommes comme tout le monde. Normaux, peut-être qui, oui. Peut-être qu'ils travaillent, je sais pas. Oui, on taffe. Voilà, vous faites acteur, ça. Acteur de film. Ah, j'ai rigolé. Cascadeur. Ouais. Ok. Donc ouais, boulot, tout ça, vous faites ça bénévolement à la radio ou vous êtes salarié? Oui, c'est... Non, c'est bénévole. Okay. C'est bénévole. Okay. Ouais, c'est bénévole, donc c'est par pur plaisir qu'on fait ça en fait, avant tout. Vraiment pour partager notre délire et puis surtout, quand on a créé le délire en fait, c'est vraiment pour se retrouver. Parce que toute la semaine, en gros, chacun travaille. Bah avant de travailler, en gros, on se voyait pratiquement tous les jours, même peut-être tous les week-ends. Yes. Et là, le fait de mettre l'émission en place nous a permis, en gros, de nous retrouver au moins une fois par semaine. Voilà. Écouter les nouveaux sons. Chacun écoute dans la semaine, ce que chacun a en tête, autour de deux, trois petits verres. Et puis voilà, on s'amuse en fait. En gros, on est dans notre salon et puis on partage ça avec tout le monde. Quoi, exact. Voilà. Pour être venu plusieurs fois, je confirme que c'est vraiment ça. Voilà. C'est vraiment, il manque plus qu'on ait des petits chaussons et puis un petit peignoir et puis on y est. C'est ça le truc, tu vois. Yes. Donc oui, on parlait travail et évidemment, je vais vous parler des Black Dips. Oui. Bah donc oui. Pour les auditeurs aussi qui ne savent peut-être pas, donc Black Diplomats, c'était un groupe bisontin. Vous étiez combien dedans? Putain, mon gars, on a été beaucoup en Black Diplomate. Hein. À peu près, comme ça, à la louche. Il y a un moment, on a été au moins 10, non? 10 ou 12. 10 ou 12, ouais. Il y avait une chanteuse dessus. Ouais. Une chanteuse, un chanteur. Ouais. Deux beatmakers. Ouais. Donc un dont toi. Ouais. Et puis Lil King. Qui a justement fait des sons pour. Pour Gizguilouche. Gizguilouche aussi, ouais. Big up à Gizguilouche au passage. Gizguilouche et puis je crois aussi Six Miles aussi. Ouais, aussi, ouais. Ok. Ouais, ouais. Si je me rappelle bien. Ouais, donc vous étiez une bonne dizaine, quoi. Ouais, on était nombreux. On s'auto-proclamait les Wu-Tang. Ouais. Les Deep Set aussi. Ouais. Les Wu-Tang et les Deep Set. Deep Set, non, c'était un autre délire. Mais sinon, Wu-Tang à cause du nombre. Mais par contre, on savait que 2-5 Bumpkers étaient chez eux. C'était un autre délire, tu vois. Ouais. Mais c'est que quoi, tu sais, quand on marchait en ville, par exemple, je me rappelle très bien, on marchait en ville, il y avait une troupe de Renois. Il prenait toute la grande rue là, du Quick. Tu sais, à l'époque, il y avait la fontaine devant. Oui, exact. Ben, on prenait toute la longueur là. Si. On marchait comme ça. Tu sais, on avait le Steph & Vince là à l'époque. Je sais pas si tu vois le 22. La marque 22. Oui. On l'avait souvent celle-là, la marque. Oui, c'était, exact. C'était les sponsors et en mettant bosser ensemble, tu vois. D'accord. Voilà. Et ça date de. C'était quelles années à peu près? 2006-2007. Ça a duré quoi? Au moins 3 ans. La marque, tu parles? Non, les Black Diplomates. Ah, les Black Diplomates. Waouh. Bah, attends, tu veux que je t'explique l'apogée? Le cheminement depuis le début. À peu près, ouais. En fait, à la base, c'était les Tibicro. Les Tibicro. Okay. Tu vois? En gros, on était quoi, 3 ou 4 ou un truc comme ça, tu vois. Okay. Il y avait Maid, il y avait Simti, il y avait Shizu Mainizu, Gizo. Yes. Ouais, qui c'est Gizo? Yes, exact. Bah, Simti, c'est la sœur de Gizo. Je sais pas okay. si tu as connu. Okay. Voilà. La grande, la sœur bah, jumelle, Gizo, pas la petite. Gizo, je vois bien qui c'est. Ouais. Ouais. Il y avait, comment il s'appelle, Eddie. Et puis, il y avait qui? Il y avait Lil King. Bah, Lil King, ouais, voilà, Lil King, qui faisait nos sons. Et après, on s'est dit, bon, à force de faire des scènes ouvertes, des trucs comme ça, TB Crew, ça faisait un peu trop boys band, tu vois. Quoi. Et puis, bon, après, je sais pas, par des réunions, par des trucs, enfin... On a commencé, c'est là que Mathieu est arrivé après lui. Ouais. Et qui est encore arrivé après? Il y a Fox aussi qui arrive. Fox qui est arrivé après. Et puis après, on a fait une réunion. Voilà. C'est ça, hein. Et puis ouais, on a changé de nom. À l'AFPA en plus. À l'AFPA, c'était chez toi? Ouais, c'était chez moi. Et en plus, ce jour-là, moi, en fait, si tu veux, vu que moi, je côtoyais beaucoup. Si tu veux, Ulrich, Guizou et moi, on a grandi ensemble, en fait. Ok. Yes. On s'est connus en 2000. Moi, je les ai connus en 2000. En 2000. Ouais, ouais, en 2000. Ils se sont, sont connus en 97. Okay. Ah oui, donc ça remonte en Suisse. Bien, bien, bien. C'était en Suisse. Okay. Ouais, en gros, la particularité aussi de Black Diplomat, c'est qu'il y avait un socle, en fait. Il y avait, des, on va dire, les membres fondateurs. Et on était presque tous de Suisse. Ok. Tu vois ? Ok. Donc, en fait, c'était ça aussi la, la particularité de Black Diplomat. Yes. Tu vois ou pas ? Ici, ici, ici. On était des Suisses à Besançon. Ouais. Donc en les gros on ramenait quelque genre chose de frontalier. D'autre quoi. Voilà. Ok, ok, ok. Donc du coup en gros qu'est-ce qui s'est passé, c'est que en fait chez moi les gars voulaient que en fait ouais parce qu'à l'époque je kickais en fait, j'étais pas beatmaker en fait. Ok. Je kickais et ils voulaient tous qu'on soit tous ensemble. Donc moi j'ai dit ouais les mecs vous savez quoi mon Tibico j'aime pas. Ok. Ouais moi personnellement non. Donc en gros on a passé presque deux jours à trouver un blaze. Ouais. Et moi j'avais proposé deux blazes. Donc c'était 99 yes. Dips. Yes. Ou Black Dips. Et du coup on a tous opté pour Black Dips. Yes. Et par contre Eddie ne voulait pas de ce blaze parce qu'il trouvait que ça faisait trop officiel. Ouais. Dit, mais justement c'est ça le but en fait. Ok. C'est que si tu as envie de créer une petite entreprise ou bien voilà évoluer, faut que tu mettes un truc officiel. Faut déjà mettre une certaine comment ça s'appelle un explosif en fait dans la tête des gens et toi-même pour te booster t'auto-booster pour faire un bon produit tu vois et du coup Black Dips est né comme ça. Ok, vous avez fait projet CD? On a plus fait des scènes. Des scènes. La particularité de Black Diplomat, c'est qu'on faisait beaucoup de scènes on faisait pas mal de scènes partout. On a été, non mais attends, je sais plus si c'était à l'époque de Black Diplomat ou TB Crew, on montait jusqu'à Mesh et tout pour faire des scènes ça, dans les TB, bars. C'était TB Crew ça. Ouais, c'était TB Crew. Ok. En gros, c'est ça, mais Black Diplomat, on n'a pas sorti de projet, aucun projet, ni mixtape, ni album, ni rien du tout. On a sorti quoi? Des sons, on a fait que des sons. On avait beaucoup de sons, mais jamais enregistrés et c'était beaucoup du live. C'était vraiment live, c'est que limite... Tu pourrais nous mettre dans une pièce. Tu mettais un DJ, tu mettais une pro, tu mettais un son, et bim, on partait. On était des freestylers. Freestyle. Moi, j'étais pas trop un pro. Maid, il était beaucoup un pro. Maid, un pro, ouais. Mais par contre, c'était freestyle quand rien. On balançait tous nos sons, tous nos prods. N'importe quel instrument, on freestylait dessus. Voilà. Donc, ça. Mais donc c'était un gars, en fait, si tu veux, qui était à Boston aussi, lui, à un moment. Hein. Ou je sais plus où, au State. Là, récemment, il était plus à New York. Non, c'est le premier mec que j'ai vu. Ah non, ça, moi, j'ai pas. Le premier gars que j'ai vu rapper en Quinry à Bezac, tu vois. J'étais tout petit, tu vois. Bah, je crois que c'était un street tour. C'était peut-être un street tour. D'ailleurs, qu'on a avec Habib et tout, là. Ouais, sur les quais là-bas où il y a le skatepark, tout ça. Ouais, sûrement. Je me souviens que, il avait une grosse veste en cuir. À l'ancienne, tu vois. La V-Rex, non. Tu sais que j'ai encore les photos, hein, j'ai encore des vidéos et tout ça, machin. Ouais. D'un street tour, justement, avant d'aller à KGB, non, KGB, OGB, comment ça s'appelle, 113. Ah, Mafia Quinfri, à Montbéliard. Si, tu vois. Il y avait un street tour, justement, où on a été boycotté. Bon, on était beaucoup boycotté, bizarrement, c'est qu'en fait, quand c'était à nous de poser, bizarrement, il y avait de l'aube et il y avait la pluie qui avait envahi le matos. Plus. où le matériel ne marchait plus, où il y avait un problème de branchement. Ah. Donc à chaque fois, et justement, il y a une vidéo que tu peux trouver, si Didi ne l'a pas effacée, que tu peux trouver sur YouTube, où je dis ça justement, c'était en 2007. Hein. Ok. Ça remonte vraiment à 12 ans. Quoi. Bah, on a commencé, moi en tout cas, personnellement, j'ai écrit mon premier texte, c'était à quoi, j'avais 12 ans ou un truc du genre. Mm-hmm. Et puis voilà, on a commencé. Après ça a déroulé. Voilà. Quoi. Voilà. Ok. Yes, bon, bah écoute. Après, c'est beaucoup plus long que ça, hein. Sinon, il faudra faire une spéciale Black Diploma. Voilà, c'est ça. J'allais dire, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal d'anecdotes et de tout ça. Il y a pas mal de choses. Le jour où il y a tous les Black Dips là, qui sont dans le coin, il faudra m'appeler. Ah, comme ça, mon gars. On s'organisera une petite. Ça sera chaud déjà. Ça va être sale. Ça, dans tous les sens du terme, mais bon, après, voilà. Franchement, chacun est bien où il est. Est-ce que vous avez une punchline chacun à m'envoyer là, en mode Black Dips ou un truc qui vous revient genre. Là, je te dis, hop, envoie-moi une punchline qui quoi, niveau écriture, niveau rap et tout. Non, des Black Dips, là, par exemple. Je te dis, je sais pas, t'as pas, tu te souviens pas d'un son, il y avait une punchline peut-être d'un autre boug de ton équipe, tu vois. Z, mec, zéro pour moi de mon côté. Zéro, Z. Ah, ça remonte, hein, c'est trop loin. Z, c'est vieux, et puis en plus, c'est vrai qu'on était, on dit, waouh. Ouais, ça remonte, c'est trop vieux, mon gars. Et puis chacun en plus écrivait de son côté. Et puis c'était, comme on a dit, c'était freestyle. Donc du coup, t'avais pas le temps de. C'était pas comme si c'était un enregistrement où tu pourrais te poser pour dire, tiens, je vais écouter. Ah, mais t'as bien kiffé. Comme là, je peux écrire un truc. Il va me dire deux jours plus tard, ouais, j'ai kiffé ça. Non. Mais là, à l'époque, il n'y avait pas d'enregistrement. Enfin, ouais. Jamais enregistré. Si tu veux, on avait une scène genre samedi, et puis on écrivait mercredi, jeudi, pour poser samedi. Ouais, c'était ça. et franchement, les seules fois quand on a commencé à écrire et enregistrer, c'est là que c'est parti en couille. Et d'où sont sortis les clips, les deux clips qu'on a pu sortir. À la base, on devait les sortir tous en groupe. Okay. Et le fait qu'on ait été deux ou trois, ben, tu te rends compte que c'était vraiment le socle qui était encore là. Et on s'est vraiment divisé, on a vraiment pété. Et c'était la grosse déception. Quoi. Mais bon, il fallait qu'on suive, donc on a suivi. Yes. Mais sinon, à la base, on devait tous être ensemble pour le projet. Et ça n'aurait pas donné la couleur que ça donnait. Tu vois, Après, maintenant, il y a R, il y a prescription. Donc, Oui. Oui, et puis c'était. Ouais. Voilà, maintenant, c'est du passé. Mmh. Vous êtes passé à autre chose. C'est clair, largement. Vous êtes retrouvés sur la radio. Moi, je kiffe bien vos émissions. Et grande question aussi, c'était depuis quand vous avez commencé votre émission radio ? À Radio Campus. Bah ça fait 2 ans du coup. Ouais, 2 ans parti. Ah ça fait 2 ans, je pensais que c'était plus loin que ça. Un an et demi ou 2 ans. Ouais, un truc du genre. Un an et 9 mois, j'en sais rien, tu vois, un truc du genre, mais ouais, ça doit faire 2 ans. Hein. Ok, c'est pas si vieux que ça. Ah, non, d'accord, non. Tu vois, moi je pensais que c'était un peu plus. Non. Ok. Pas du tout. Écoutez les gars, je vous propose de faire une mini pause musicale. J'ai vu que vous m'avez préparé une playlist de malade. Ouais. Vas-y, donc, choisis. Une riche. Bon, là, j'ai chargé le. Tous les sons avec les croix, c'est tous ceux que tu peux passer, du coup. Okay. Après, s'il y a du temps, passe les autres, tu peux. Ok. Bon, je vais commencer par Popcan. C'est quoi, c'est Stray Day? Stray Dog. Ah, ok. Attends, je vais. Regarde, écris mal, on dirait. Je vais charger comme ça. Comme un bâtard, hein, par contre. Hein. Oh purée. On est toujours dans la 25e. On va vous balancer quelques sons choisis spécialement par BCT ce soir sur Radio Sud 101.8, radiosud.net. Vu que je suis tout seul, je vais faire avec toutes mes tentacules pour essayer de faire assez vite. On balance le son. On n'est pas pressé. Ouais, posé, on est posé. God. I'm raising the watch to cock. Don't get upset, girl, that's just how it goes. I don't love you hoes, I'm out the dough. And I'll be going down the street, talking with windows about Radio. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net 101.8. Where the lights boy, you a punk at your throat, me a go slash. Pussy where you know about booze, cause I ash. M1 rifle strap on for my block. crack your skull like calabash. Pussy, have you ever knocked it in a traffic? Have you ever bust a man throat with a hatchet? You don't know nothing about badness, watch it. Mac 90 go deal with your cabita. Say them a bad man, a liar them. Man, show your rifle, you never fire them. I coulda who a hire them. Marcus, make me wire them. Go soak your mother, dog. You know bad like unruly. The zig triangle brand. Shut a plane on your head like Loody. I am so fucking unruly. Now look at what I be done, can't fool me. Soak your mother, dog. You know bad like unruly. Use the Uzi and go shell them ends. Them a try jump fence, me correl them bends. Little jackass, nah no fucking sense. Fully auto squeeze, deny your contact lens. Dash with them body feed them stink and rank. Boy live in a cement and no accident. No care how much blood clag on them rent. Man we kill them in a any event. Soak your mother dog. You no bad like unruly. Sick triangle brand. Shut a plane on your head like Loody. I am so fucking unruly. No little wanna be done can't fool me. Soak your mother dog. You no bad like unruly. Pussy AK with me right on. Big matic shoe bout a leave on. Any boy where you claim them a done. Papa make your kin look like yellow man. So me lift up every gun with me and figure kill them slowly. Me see the little priest them a make talk and them still down now, man. Pussy you know bad like Rihanna. Shot you playing at your head like piano. Me and your badness coulda never similar. Your friend them go dead from the K when me give me la. Go soak your mother dog. You know bad like unruly. Sick triangle brand. Shot a plane on your head like Loody. I am so fucking unruly. No little wanna be done can't fool me. Soak your mother dog. You know bad like unruly. Boy, boy. Wicked. Yeah man, you know bad like unruly boy. You feel my head, yeah. You know. Boy, boy. Whoever them but the fucking hanging tree. Yalas, boy, boy. Out a bum buckler, like yalas. What? Get the killing them crazy, yeah. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah, la 25ème, on est toujours là avec BCG. Ah oui, oui, ah oui, oui. Petit son de Popcan en mode tranquille, posé quoi. Ah, posément, mon gars, ça c'est un des petit rhum et un petit hamac tranquille. Ah, ouais. Tranquille, pas trop quand même. Ouais, parce ouais, que ouais, ouais. Le son, quand tu comprends les paroles et ouais. Tout, ça c'est. Ah, du coup, là j'ai pas trop. Non, mais très tranquille quoi. C'est quand même tranquille. Le son est tranquille, ouais, mais les paroles sont pas. Avec, enfin, ouais. C'est cool quoi. Avec la mise à côté, c'est tranquille. Ah, ouais, je l'ai vu, j'étais allé voir Drake à Paris et c'était Popcat en première partie. Ah ouais, c'était, Drake c'était et Popcat. Ouais, c'était ah ouais, quelque chose. Okay. Ouais, c'était quelque chose, ouais, ouais. D'accord. Bah, ça m'avait surpris aussi de voir Popcat en première partie. Drake, bon, ça devait être, je crois, de base, ça devait être Future ou un book comme ça. D'accord, ok. Et il a débarqué, mais en fait, laisse tomber, quoi. Sur scène, c'est un malade. Il a mis le feu. Ouais, c'est un tueur. C'est bon, ça. Ça, c'est les bons artistes. Après, ce qui est bien avec le style musical, si t'es timide comme Drake, ça peut passer. Ouais. Ouais. Bah, c'est clair. Tu vois, reggae, c'est quand même du reggae. Un reggae, je sais pas, un reggae un peu. C'est pas du reggae, c'est de la dancehall. Dancehall, ouais, voilà, mais dance. Voilà. Vous dites, ouais, il a fait quand même deux, trois petits sons un peu reggae quand même. Ouais, sûrement. Pas... Mais voilà, c'est un. Tiens, même quand c'est du reggae, tu sais que t'es obligé de bouger quand même. Mm-hmm. C'est pas comme les rappeurs qui vont faire un peu les durs sur scène. Ouais. T'es obligé de bouger un peu, de suivre la musicalité du truc, tu vois. Mais ça, c'est quand t'as pas la. Comment on dit ça déjà? La t'as break. Pas l'expérience scénique. Quand tu restes figé un peu sur gars, scène. Il y a des gars, même B2O, il a l'expérience, mais il bouge pas. Hein. Ouais, mais c'est pas pourtant, c'est un entertainment, tu vois, aussi. Ouais, mais pourtant, il bouge pas. Je sais pas, il bouge pas. C'est bizarre un peu. C'est le rap, quoi. C'est ça qui fait ça. Mais par contre, un gars du reggae, par exemple, juste ça, T'avais pas besoin de parler de reggaeton, mais c'est... Ça va, les gars? Non, non, du coup, je me demandais si, si tout allait bien pour vous. Non, bah, non, ça va super bien, c'est... Les gars, ils sont partis dans un débat, je les ai lancés sur Popcorn, je pouvais enlever mon casque. C'est parti encore plus loin, tu vois. Du coup, je suis parti faire des courses, vite fait, on peut encore aller plus loin, t'inquiète pas. Non, désolé, je vous coupe parce que j'ai plein de questions à vous poser. Vas-y, pose. Pour revenir à l'émission, donc B-City, vous me dites depuis 2 ans, vous étiez les deux au départ ou il y avait d'autres personnes avec vous c'est Dim qui va te raconter l'histoire. Alors, en fait, moi, personnellement, c'est moi qui ai trouvé l'idée, en fait. Ok. Okay. Je partais voir Escut. Okay. À son émission. Donc DJ Bounce. Ouais, DJ Bounce. J'ai partais souvent à son émission radio. Pas mis sud dans la tête maintenant. Radio Campus. Je bug. Radio Campus. Make it bounce. Yes. De 19h à 21h les dimanches soirs. Ok. Mm-hmm. Je partais là-bas chez lui. Voilà. Je lui rendre visite et tout. Et il m'a fait comprendre qu'en fait, on a remarqué que juste avant lui, il n'y avait personne. Ok. Et moi, j'avais envie, je me suis dit, putain, ouais, ça sera peut-être l'opportunité de faire une émission pour divulguer en fait les sons de Bezac ou bien même nos propres sons, truc et tout. Et il m'a dit, ouais, vas-y, tente le coup, fais la demande. Tu vois, on sait jamais, ça peut déboucher à quelque chose. Donc moi, j'ai fait la demande. Mais par contre, avant de faire la demande, j'ai quand même appelé un gars, c'est Ulrich. Ok. C'est lui. Yes. J'ai beaucoup de potes avec qui j'aurais pu faire ça. Mais bizarrement, je me suis dit, ouais, ça peut lui plaire, ça pourrait lui plaire. Je pense que en fait au fond, je savais que c'était un des ceux qui aurait pu être directement accroché et qui aurait suivi le délire en fait à 100%, tu vois. Donc du coup, je lui en ai parlé, j'ai dit, ouais, écoute, moi je vais faire un projet sur Radio Campus et tout, ça t'intéresse, voilà, bim. En plus un temps ensemble, Black Diplomate, on avait un délire, pense au son, si on se remet au son, on sait qu'on est un petit média et tout pour divulguer nos sons. Exact. Il m'a dit, ouais, si t'es motivé, mon gars, ouais, moi je te suis, il n'y a pas de souci, pour moi c'était chaud. Donc ouais, après, je lui ai monté le projet, il a vu le truc, il a directement accroché. Après, j'ai directement lancé le délire à Radio Campus, on s'est même déplacé un lundi matin. On est à la Radio Campus pour dire, on vous a écrit un mail, il y a 2 semaines, on n'a pas de réponse. Okay. Et du coup, sur le coup, ça s'est fait. Quoi. Ça s'est fait comme ça. Et donc, c'est pas si compliqué que ça de pouvoir occuper une plage horaire à Radio Campus ou... Franchement, Radio Campus, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas compliqué. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas compliqué pour tout le monde de faire ce qu'il a envie de faire. C'est qu'en fait, que ce soit la radio, t'es motivé, tu vas. C'est bien beau d'envoyer des mails, comme je dis. Ouais. J'ai même fait esprit d'en parler. Déplace-toi. Parce qu'en fait, c'est un truc basique qui se perd. Que nous, qui sommes dans le rap, entre guillemets, j'ai envie de dire, on va aller dans le rap, on connaît. C'est que par exemple, si tu veux vendre ton CD, tu vas voir les acheteurs directement. Tu es dans la rue, tu fais des trucs. Alors que maintenant, en fait, même quand tu déposes un CV à la base, tu vas dans l'entreprise déposer ton CV. Maintenant, tu peux tout envoyer. Maintenant, tout se passe par mail. Okay. Ce qui fait qu'en fait, les mecs, ton mail, ça passe à la trappe, en fait. Ou bien même ton enveloppe passe à la trappe. Ouais. Déplace-toi, tu vois. Et les gens apprécient ça. Et quand tu te déplaces, en fait, tu prends les gens sur le fer. Oui. Fait accompli. Et mec, voilà, moi, je t'ai envoyé ça. Écoute, il va aller la preuve. Non, voilà. Ok, tu n'as pas reçu, bah. Tiens, voici mon CV ou voici ma demande. Vas-y, comme maintenant, t'as le temps là. Là, on discute. Bon, après, moi, j'ai juste envie de dire que c'est. En fait, c'est pas n'importe qui peut faire une émission radio. En fait. Ouais. Tu vois ? Non, c'est sûr. C'est sûr et certain. Non, mais par contre, faut avoir les couilles. Bah, c'est surtout ça. Pas n'importe qui peut faire une émission. Est-ce que vous avez une formation ?